L'amor és la música, l'amor c'est la musique, amb Frédéric François. Comença el programa d'avui d'Hola la Música amb Rafael Corbí. Benvinguts i benvingudes al vostre programa de música en francès. Dans ma solitude, amour malheureux, si près de ton cœur, mais si loin de tes yeux, je cherchais comment te dire encore je t'aime. Sur un piano qui pleure, je t'ai fait cette chanson qui n'appartient qu'à toi, qui portera ton nom. Même au bout du monde, elle te suivra quand même. Papillon de nuit s'est posé sur ma main, comme un signe de bonheur, un amour qui revient. J'ai senti soudain battre ton cœur près du mien. Et puis dans les étoiles, j'ai vu nos initiales, comme un feu d'artifice au milieu d'un grand bal. Mille musiciens jouaient pour toi ce refrain. Una cançó esplèndida per començar, molt de rima, molta marxa, aquelles cançons que t'animen, i en Frédéric François ho ha fet de manera excepcional recordant-nos aquesta cançó per obrir, com sempre, amb una cançó dedicada a la música, al nostre programa. Els nostres oients ens demanen més cançons de Michel Thor, doncs d'aquesta cantant n'escoltarem avui tres més, començant per aquest Himne à l'amour. Le ciel bleu sur nous s'effondrerait, et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, j'irai dans les eaux profondes, si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, Si tu me le demandais, j'irai loin de mes amis, je renierai ma patrie. Si tu me le demandais, on peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi. Si tu me le demandais, si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Que la nuit et tu vis comme un fou. Tu ne sais pas faire de mal, tu as le cœur d'un ange et le sourire d'un loup. Tu joues avec la vie, tu joues avec l'amour et pourvu que tu joues. Tu te riches avec le temps, tu te richeras toujours, mais au fond tu t'en fous. Tu as les yeux d'un homme que tous les océans n'ont pas su retenir. Tu as les yeux trop bleus pour avoir eu le temps d'avoir des souvenirs. Tu as les yeux trop grands pour savoir où commence la frontière du désir. Tu ne seras jamais malheureux parce que tu as des yeux. À faire pleurer les femmes, à leur faire des enfants, à leur faire croire en Dieu, à leur voler des larmes, comme ça en passant, parce que tu as des yeux. À faire pleurer les femmes, leur donner le soleil et les jeter au feu. Tiens dans tes bras qu'elle ne te fait pas peur. Tu dis que la musique, tu l'as au bout des doigts, tu la connais par cœur. Tu te dis romantique, tu dis n'importe quoi, pourvu qu'il y ait des fleurs. Tu peux me dire ce que tu veux, parce que tu as des yeux. Et là la...

fois, ce sera bien. Així escoltem la seva música d'aquest cantant nascut el 1956 a Oran, a Argèlia. Algèria i que ens aportava la seva música, aquest Dol Sol, com a segon senzill d'aquest àlbum. Un disc, com he dit, el tercer àlbum d'estudi de l'Etienne, que va ser l'avançament del disc va ser aquest Tombe pour la Fonce, que hem escoltat en primer terme, editat un any abans, que serà amb un clip realitzat per Jean-Pierre Jeunet i que serà disc d'or. Després van sortir aquests altres dos senzills, que són els que també escoltem. Un àlbum que havia de ser produït per Torch Song, el grup de William Orbit, que en el futur seria el productor de Madonna o de Blur, però es van presentar poques vegades a l'estudi. Es veu que estaven en preprocés de separació els membres d'aquest grup, i l'àlbum es va acabar a París amb l'Arnold Turbost i Enrico Koenig. Va sortir anys després, 20 anys després, una edició de Lux amb 39 cançons, remixos, directes, etc, etc, i alguna cançó extra d'aquest disc. Un àlbum que durant 57 setmanes va estar a les llistes franceses i el número 1, el Top 10, i va estar-hi durant 17 setmanes. Excepcional. Disc d'or el 1986, disc de platí el 1987. Un pop cantat en francès, no els agradava a gent de l'època, amb els crítics, que eren més rockers, suposo, però que la veritat és que va triomfar de meravella. Totes les cançons, pràcticament, del disc, en la música, va ser composta per l'Arnold mateix. L'Etienne hi va posar les paraules, la lletra, a multitud d'elles, excepte un parell de versions d'un tema que escoltarem al final, de Stuart Mohan i un altre de Syd Barrett, que també va treballar amb aquest... van agafar i es van adaptar les seves cançons. Escoltem el darrer senzill que va sortir d'aquest àlbum i també una d'aquestes adaptacions, el tema Paris Le Floc de Stuart Mohan. Ce night club où le jazz ses folles, on taira sa table. Regard lourd de sens et connivence, vous qui cherchez une main. Je n'attends vraiment rien, je viens pour y lire des bouquins. Arthur Miller, puis faut que j'aille traîner sans raison, sans raison. Sans raison, oh, prenez sans raison, oh, prenez sans raison. De pleurs en frime, Paris déprime, Saint-Germain s'illumine, se fondra la foule dans la ville aux rencontres faciles. Je ne fais guère attention, les dessins j'ai dans ces cartons, sont mon unique passion. L'art est ma raison, l'art est ma raison, oh, l'art est ma raison. Esteu escoltant Ulala Music. Ni tan enrere, ni tan endavant. Serà el 1998 fins al final del programa d'avui de Ulala Music. Ens queden més o menys uns 10 minuts, si fa no fa. Les Rolling Bidochons, en primer terme, Armengol segon. A veure qui recorda peces com aquestes. Crêperie, crêperie pas chère, crêperie, crêperie je préfère. J'en ai marre des pizzas, quatre et en choix, j'en ai marre des pizzas, mozzarella, j'en ai marre des pizzas. Marinara, j'en ai marre des pizzas. Crêperie, ce soir ça changera, je t'en prie. Le tap faire. J'en ai marre des pizzas. Ils appellent, j'en ai marre des pizzas. Spécial Roma, j'en ai marre des pizzas. Marguerite, j'en ai marre des pizzas. À cause de toi, j'ai perdu mes potes. Qui digère mal ta bouffe d'astronaute? Si j'apprécie ton freezer, une pisse par jour, ça m'écoeure. Crêperie, je préfère. J'en ai marre des pizzas. J'en ai marre des pizzas. C'est toujours froid, j'en ai marre des pizzas. Caca, j'en ai marre des pizzas. Dans une gare de banlieue, un petit chef de gare amoureux, amoureux fou comme c'est curieux, d'une voyageuse imaginaire. Il attendait les soirs d'hiver, sur les quais transis et déserts, sous la lumière des réverbères. Il l'attendait comme le bon Dieu. Les gens le trouvaient pas sérieux. Il ne sifflait qu'un train sur deux. Et souvent on faisait la queue quand il arrosait ses primes vertes. Il écrivait des vers pour son aimé imaginaire, sur les billets, sur les horaires. Non mais rendez-vous compte un peu. Un jour on lui a dit, mon vieux, tous les voyageurs sont furieux. On va te remplacer, ça vaut mieux. Mais comme par extraordinaire, est descendu d'un vieux train vert sa voyageuse imaginaire, belle comme une pluie dans le désert. Ils sont partis tous les deux, partis comme deux vieux amoureux, dans la douceur d'un chemin creux, vers des pays un peu plus bleus. Où l'on ne sait rien des horaires. Depuis dans cette gare de banlieue, t'es redevenu sérieux, et plus personne ne fait la queue. Mais sur les quais, y'a plus de primes. Et dans une gare de banlieue, un petit chef de gare amoureux, amoureux fou comme c'est curieux, d'une voyage assez imaginaire. Doncs fins al final hem arribat del nostre espai. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, a Mengó amb aquesta cançó, abans les guitarres poderoses i la paròdia, el cachondeo dels Rolling Vidachons, anomenada Veronic Sanson. Aquesta és una cançó del 1998 amb la que acabem el nostre programa. Salutacions ben cordials, serà fins la propera. Gràcies per estar al nostre costat. A reveure. C'est devenu rock'n'roll presque tous les matins. Et puis les jours ignobles ont saboté ma fête. J'ai cru que je devenais fort, j'ai su que je perdais la tête. Je me suis tellement manqué, je me suis tellement fait mal. J'ignorais tous les gens, ça me paraissait normal. Je m'étais tellement trahi, j'avais rendu les âmes, mais j'ai tout démoli à cause d'une petite larme. Je les offrirai aux autres. Je me suis pardonné.